الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'ensemble des louanges revient à Allah seul. Il couvre d'éloges et salue celui après qui il n'y a plus de prophète. Nous avions abordé, la fois dernière, principe important comptant parmi les principes de la religion négligée par certains malgré leur caractère élémentaire et capital. C'est ainsi que nous avions abordé le fait de ne pas s'empresser à diffuser les nouvelles, mais plutôt les renvoyer systématiquement aux personnes aptes à les concevoir sous leur forme réelle. Et parmi ces principes, qu'il est d'autant plus impératif d'observer en période de trouble, on peut également mentionner le fait de ne pas se charger de choses qui ne relèvent pas des responsabilités et compétences de l'individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fait partie de la belle pratique de l'islam de l'individu qu'il délaisse ce qui ne l'importe pas. » C'est un hadith recueilli par Tirmidhi dans Al-Jami' et Ibn Majah dans Al-Sunan d'après Abu Huraira, dont la narration a été jugée correcte par le Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib, du fait des multiples voies dont elles disposent et qui se consolident les unes les autres. Cela vise aussi bien ce qui ne le concerne pas que ce qui pourrait le concerner mais qu'il ne serait pas apte à cerner, voire ce qu'il serait apte à cerner mais qu'il n'aurait pas été chargé de traiter. Le noble Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a dit en commentaire de ce hadith « Fait partie de ce qui diminue de la valeur de la religiosité de l'individu qu'il cherche à entrer dans ce qui ne le concerne pas, ne relève pas de sa spécialisation ou dont il n'aurait été chargé ni par la religion, ni par les gens. » Voir Al-Minha Ar-Rabbaniya, le commentaire des 40 hadiths de Nawawi, à la page 142. De même que le noble Cheikh Salih Al-Fawzan a dit, un peu plus loin, entre également dans cela les sujets de discussion de certains jeunes et de nombreuses gens dans leurs assises durant lesquelles ils échangent à propos d'événements se déroulant et nécessitant l'analyse de dirigeants, de ulama et de spécialistes. En effet, lorsque ce sont ceux qui ne maîtrisent pas ces sujets ou qui ne sont pas chargés de les traiter qui y entrent, cela mène à de l'instabilité et à de mauvaises compréhensions et peut même participer à ce que le mal se diffuse entre les gens alors qu'il aurait fallu dissimuler l'information en question. Puis il cita le verset de la sourate An-Nisa mentionné plus haut. La fois prochaine, si Allah tabaraka wa ta'ala le veut, nous aborderons un troisième principe qui doit impérativement être observé, notamment en période de troubles. Quant à aujourd'hui, nous allons nous en tenir à cela. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.